Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. L'histoire est-elle plutôt pain de mie ou boule de campagne? Et si l'histoire était jambon, serait-elle plutôt jambon à l'os ou bien jambon d'Aoste? Car l'histoire est découpée en tranches. Oui, il y a les quatre grandes périodes historiques, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine. Et cette périodisation est faite de sous-divisions. La Renaissance, le Grand Siècle, celui des Lumières, le Second Empire, la Belle Époque, les années folles qui deviennent noires ou encore les Trente Glorieuses. Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches? C'est le titre d'un essai de l'historien Jacques Le Goff qui se demandait en 2014 si l'histoire est une et continue ou si il faut la sectionner en compartiments. Mais une fois ces tranches bien découpées, comment les nommer? Ben, l'époque, année folle, année noire, temps glorieuse, comment ont été forgés ces noms d'époque? Allez, lançons un concours. Quel nom sera donné à notre époque? Certain qu'il y aura beaucoup à imaginer. Oui, il va falloir trancher. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous avons voyagé en Iran, à la croisée des passions de l'Iran médiéval, à la révolution de 1979, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr, ou bien en balado-diffusion, le podcast, et puis des émissions qui sont à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, un regard sur les noms d'époque, ce qu'elles nous disent du présent. Bien souvent, c'est ça, nous les utilisons sans vraiment réfléchir à leur origine. Avec vous, Dominique Khalifa, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous dirigez le Centre d'Histoire du 19e siècle et vous avez dirigé aussi cet ouvrage chez Gallimard, les noms d'époque de restauration à années de plomb. C'est une question qui ne préoccupe pas, on nous la présente pas, on nous impose ces noms d'époque. Et puis, depuis quand on se demande, mais tiens, à quel moment a été forgé ce mot-là? Bah, tout dépend de la période, parce que les périodes anciennes, on va dire, ont fait l'objet d'interrogations. Il y a de très belles pages de Marc Bloch pour nous expliquer comment le Moyen-Âge a été inventé et les difficultés ou les aberrations que ce nom comporte. De la même manière, Lucien Febvre avait regardé Michelet inventer au milieu du 19e siècle le concept de Renaissance, mais où François Furet, hein, qui avait fait un très très bel article dans son dictionnaire critique de la Révolution française avec Mona Ozou sur l'Ancien Régime. Mais curieusement, pour les temps les plus contemporains, les 19e et le 20e siècle, on n'avait pas eu cette réflexion, c'était demeuré en quelque sorte une lacune de notre historiographie, et donc effectivement c'est quelque chose pour les temps les plus contemporains qui manquait et dont on espère, enfin pour lequel on espère avoir rempli une petite lacune. Oui, vous l'avez rempli, Dominique Khalifa. Avec nous également ce matin Laurent Douzou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Lumière Lyon 2 et également à l'Institut d'études politiques de Lyon. Vous avez contribué à cet ouvrage, Les noms d'époque, en traitant les années noires. Vous êtes l'auteur notamment de La lutte clandestine en France, une histoire de la résistance, 1940-1944 au seuil. Effectivement, là nous sommes dans l'actualité, ces années noires sont utilisées comme une évidence. À partir de quel moment ces années noires apparaissent? Alors les années noires apparaissent en réalité tout de suite. 1947, Jean Guéhenno publie son journal des années noires. Mais le chrononyme ne prend pas. Et à la place, on va avoir l'occupation, ce qu'on va utiliser dans les années 50-60. Et puis petit à petit, on va parler d'occupation, mais aussi de régime de Vichy. Puis on enlèvera régime 2 et ça deviendra Vichy. Et puis ensuite, dans les années 90, va arriver les années noires, puis les années troubles. Ça veut dire qu'on n'a pas un chrononyme, on a chronologiquement une succession de noms qui montre que le curseur des représentations se déplace au fil des décennies. Laurent Douzou, vous avez utilisé ce mot chrononyme, il faut le définir. Chrononyme, c'est quoi? C'est le nom que l'on donne à une période. Bah, je vais plutôt laisser Laurent nous en parler, parce que c'est à lui que nous devons, en 2008, dans un très beau numéro de la revue Mot, le premier, la première acculturation chez les historiens de ce terme. Oui, en fait, ce chrononyme, c'est une expression qui synthétise une période de façon ramassée et parlante. Donc, pour que le chrononyme prenne, il faut que les gens puissent s'en emparer. Donc il faut qu'il soit suffisamment large pour que des gens qui n'ont pas les mêmes représentations d'une période acceptent une manière de la dénommer. D'accord, accepter une manière de la dénommer. Mais là, nous sommes dans le champ de l'histoire, l'historiographie française, et nous avons besoin d'un regard extérieur. Et ça tombe bien parce que vous êtes avec nous aujourd'hui, Carlotta Sorba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'université de Padoue. Vous avez travaillé sur le Risorgimento. Donc, on rappelle vite fait ce que c'est, ce moment-là. Oui. Le Risorgimento, c'est le mot qu'on utilise pour désigner les décennies qui sont avant l'unification du pays. De l'Italie, oui, excusez-moi. C'est un mot clé, si vous voulez, du roman national de l'Italie. Et donc, c'est un mot très parlant, comme disait Laurent Douzou, c'est-à-dire que c'est un mot très efficace, très chargé de narration, si vous voulez, parce que c'est résurrection. Hein, ça vient de résurrection. Alors, le pays qui doit ressurgir depuis le déclin précédente et trouver son indépendance. Et donc c'est un mot qui naît comme slogan politique, qui devient plus tard, beaucoup plus tard, un nom d'époque. Et dans la recherche de ce que les noms d'époque disent de notre présent dans le cours de l'histoire aujourd'hui, nous allons jeter un œil sur la littérature d'anticipation et de science-fiction, avec un petit distinguo entre les deux. Avec vous, Pierre-Antoine Marty, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'École pratique des hautes études en sciences sociales. Votre thèse porte sur l'histoire des représentations de l'avenir à travers la littérature d'anticipation en France, des années 1950 aux années 1990. Oui, parce que l'auteur d'anticipation imagine son passé, mais son passé, c'est notre futur. Exactement. Est-ce qu'on se projette dans le futur ? On poursuit un peu la grande aventure humaine, la grande histoire avec un grand H. Mais pour raconter cette histoire dans le futur, on doit à un moment donné raccrocher les wagons avec notre présent, le présent de l'écriture de l'auteur, le présent de la lecture supposée. Et donc, souvent, les auteurs d'anticipation, ils imaginent toute une trame historique et ils empruntent beaucoup au vocabulaire de l'histoire discipline, notamment, ils inventent beaucoup de noms d'époque. Voilà, c'est parfait pour vraiment étendre le champ en allant jusqu'à l'anticipation. Mais pour le moment, je vous propose un bricolage sonore et magique concocté par Milena Hellig, qui réalise le cours de l'histoire avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon. Oui, Milena s'est emparée des archives à la recherche de la belle époque de Maurice Chevalier à Blaise Cendrars. 1900. Imaginez notre Paris au printemps. 1900. Parle et chante à tous les esprits. Et il n'est pas nécessaire d'avoir vécu au début de ce siècle pour évoquer la belle époque, les robes longues et les hautes formes. 1900, quelle belle et bonne époque! Et la vie était si agréable, si facile. Et vous rappelez, mais quelle pléiade d'artistes incomparables on avait! Ce restaurant né au siècle dernier et qui reste le symbole, le décor et l'exemple de ce qu'on nomme la belle époque. Tout ce qui avait un nom alors avait aussi sa table chez Maxime. Sarah Bernard, Mounet Sully, Lucien Guitry. La belle époque, c'est loin, c'est très loin. Et puis on a tout transformé, on a exagéré. On a fait de nous des gens frivoles, prime sautier. La belle époque, elle l'était sans doute. Aux yeux de beaucoup à qui la vie est aujourd'hui moins facile. Mais pour des millions d'êtres humains, ce n'était pas tellement la belle époque. J'ai été choqué toujours de ce qu'on nomme cette époque ainsi, alors que cette belle époque a été traversée précisément par les drames. Il y avait des drames à ce moment-là, vous me direz qu'il y avait des drames dans toutes les époques, c'est vrai, il y en a encore maintenant, c'est d'accord, mais enfin, au moins, en ce moment-ci, notre époque n'est pas baptisée comme la merveille des merveilles. C'était la même époque, avec la même connerie, l'argent aussi bêtement distribué qu'il l'est aujourd'hui. Et voilà. Une évocation de la belle époque réalisée par Milena Hellig. Cette belle époque, ce tournant du 19e siècle et du 20e siècle, nous avons reconnu Maurice Chevalier, Blaise Cendrars, Dominique Khalifa, vous en avez reconnu d'autres. Oui, Cléo, la magnifique Cléo de Mérode, la femme la plus photographiée du tournant du siècle, qui là, c'est un enregistrement des années 50 à peu près, dans lequel elle a plus sa voix de jeune fille, mais elle était encore très belle. Dominique Khalifa, vous avez travaillé longuement sur la Belle Époque, sur cette période, la véritable histoire de la Belle Époque, c'est un de vos ouvrages. Là, nous avons un chrononyme, donc un nom d'époque. Alors, dans la construction que l'on peut faire en tant qu'historien de la manière dont se sont formés ces noms, il faut faire des distinguos. La Belle Époque, par exemple, c'est un nom qui a été donné tardivement. Ça a été donné très tardivement. Merci, Xavier, de rappeler ce livre et cette recherche, parce que le bouquin sur les noms du temps est venu de là. Hein. Le livre que j'avais publié il y a 3 ans sur la Belle Époque m'a donné envie d'en savoir plus sur les compagnons de route, en fait, et les autres époques. D'ailleurs, je vous dis, Dominique, vous aviez publié à ce moment-là un article sur ce chrononyme Belle Époque, et moi, je cherchais l'origine des années folles. Et dans cet article, il y a écrit « Quant aux années folles, il faudra travailler la question. » Donc maintenant, c'est fait. Emmanuel Retailleau a fait un très bel article sur les années folles dans le livre-là. Oui, par exemple, la Belle Époque, ça naît en 1940. L'expression émerge en 1940, au tout début, enfin, dans à la radio d'ailleurs, hein, sur Radio Paris, radio allemande à l'époque, par un. Donc on est plus de 30 ans après. Et la majeure partie des chrononymes sont effectivement des noms qui viennent après, des noms rétrospectifs, donc chargés d'un anachronisme évident, de nostalgie, qui nous parle évidemment. Mais ça, c'est le cas de souvent beaucoup d'expressions qui nous parlent évidemment davantage de l'époque des époques dans lesquelles ils surgissent que des époques qui sont censées désigner. Enfin, c'est une habile dialectique entre les deux. Mais la différence, effectivement, je pense quand même qu'il faut faire une différence, et c'est comme ça que le livre Les noms d'époque est construit, entre ce que j'ai appelé les chrononymes endogènes, ceux qui naissent au moment même. Par exemple, fin de siècle est un mot qui apparaît, même s'il n'est pas utilisé par tout le monde, qui apparaît au moment des contemporains. Le risorgimento que Carlotta Sorba évoquait apparaît aussi au moment des faits. Il y en a d'autres. Il y a un très bel article dans le livre sur Gilded Age aux États-Unis, ces années faussement belles, faussement dorées, plaquées or, qui viennent en fait d'un texte de Mark Twain, d'un roman de Mark Twain publié au début des années 70. Donc, même si ces mots sont construits, fabriqués, ils nous disent quand même un tout petit peu quelque chose de la période qui les fait naître. Il y a un peu de l'historicité propre qui émerge. Tandis que, et ils sont les plus nombreux, ceux qui sont fabriqués après, postérieurement, ceux qu'on a appelés les chrononymes exogènes, pour faire un peu savant, ceux-là, effectivement, alors c'est Belle Époque, mais c'est aussi Année Folle, c'est aussi Année Noire. Alors Année Noire, c'est limite, hein, oui. Laurent, c'est juste, mais ou Trente Glorieuses, que Pascal Horry a évoqué dans le bouquin, et qui, bien sûr, sont créées par Jean Fourastier en 79, c'est-à-dire à la fin de la période, ceux-là, de toute évidence, nous raconte une autre histoire. Oui, Dominique Khalifa, vous évoquez cette notion de fin de la période. Pour nommer une période, il faut savoir quand elle se termine. Et c'est vrai que ces noms, ces chrononymes, nécessitent pour certains de savoir à quel moment ça s'arrête. C'est notre cas aujourd'hui. Nous ne savons pas trop à quel moment nous sommes, à quel moment ça va s'arrêter, ou peut-être que déjà nous sommes passés de l'autre côté de quelque chose. Laurent Douzou, ces chrononymes, ces noms sont utiles à l'historien, sont utiles à l'historien et pas seulement à l'historien pour construire un imaginaire du passé. Oui, parce que ces chrononymes sont tout sauf neutres. En réalité, pour qu'un chrononyme fonctionne, je l'ai dit, il faut qu'il soit parlant, mais il faut aussi qu'il agrège des représentations extrêmement différentes. Or, on sait que le regard qu'on porte sur le passé est éminemment fonction du présent. Ce qui veut dire que, petit à petit, pour les années noires par exemple, on va avoir une succession de regards qui vont changer. L'occupation, par exemple, qui est la première dénomination, c'est très large. Les années noires, c'est très noir, c'est très sombre. Ça veut dire qu'on a deux périodes, les années 40-50 ou les années 90 et aujourd'hui, qui regardent très différemment la période 40-44. Et que probablement, quand on dit nous les années noires, on prête à la période qu'on ausculte beaucoup de la noirceur de notre propre période. En d'autres termes, c'est tout sauf neutre. Et donc c'est en ça que le chrononyme est extrêmement intéressant quand il bouge, quand il travaille. Parce qu'on voit à ce moment-là comment le regard qu'on porte sur le passé est évidemment toujours déterminé par le présent dans lequel on est et les angoisses qu'on a. Si nous prenons le cas italien avec Risorgimento, il y a même une utilisation politique. Quand nous nous baladons en Italie, des musées du Risorgimento, il y en a un paquet. Et on ne les visite pas toujours les Français aussi facilement que les Italiens parce que nous rencontrons plein de personnages que nous ne connaissons pas. Mais nous sentons tout de suite la force de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc le mot est contemporain des événements. Oui, dans ce cas, oui, c'est un mot, c'est presque un cri de guerre, je peux dire. C'est-à-dire, c'est quelque chose que les patriotes du moment, hommes et femmes, utilisaient pour dire il faut ressurgir, il faut retrouver l'ancienne grandeur de l'Italie. Et donc là, dans les années 20 et 30 du 19e, le mot Risorgimento devient vraiment un slogan politique. Et après, il y a l'unification. Et après, il y a tous des événements différents qui portent, qui amènent à l'indépendance du pays des Autrichiens et à l'unification. Et c'est seulement à la fin du siècle, c'est-à-dire dans les années 80 à peu près, que Risorgimento devient un nom d'époque très fort pour marquer, disons, une grande épopée, l'épopée italienne de l'indépendance et de l'unification du pays. Et après, ce mot a eu comme disait des utilisations très différentes dans le cours de l'histoire. Et ces utilisations sont effectivement politiques. En l'occurrence, l'unité italienne est un moment majeur, mais qui s'étend, donc l'unité italienne dans les années 1860, qui s'étend encore largement ensuite. Risorgimento, ça veut encore dire quelque chose de politique longtemps après l'unité italienne. Absolument, oui. Ça, c'est la signification clé du mot. Donc, c'est un mot qui est très chargé de politique, même si il est utilisé dans le cours de l'histoire italienne dans des parties idéologique aussi très très différente. Ça c'est aussi la donc c'est un mot partagé partout pour désigner la période, mais après le sens à donner à la période et donc c'est très différent et donc on peut avoir disons un risorgimento populaire démocratique et un risorgimento dynastique qui accentue le fait que c'est les royaumes de Savoie qui fait l'indépendance du pays. Donc c'est un mot qui est lu dans le cours de l'histoire italien dans des façons très très différentes, toujours très liées au présent. Donc c'est toujours un miroir, si vous voulez, pour regarder son présent. Dites-nous, Carlotta Sorba, l'entre-deux-guerres, alors entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, il y a pour nous ce qu'on appelle les années folles. Ça, c'est français. Ces années-là sont rugissantes dans le monde britannique. Elles sont comment en Italie, ces années-là? Elles sont les années du fascisme. Et donc, ce sont les années du nationalisme plus aigu où le mot Risorgimento est très présente. Donc, il n'y a pas un chrononyme pour désigner les années 20 En Italie, c'est le fascisme. Il y a ce mot, enfin, c'est l'entre-deux-guerres, en fait. C'est l'entre-deux-guerres, marche oui. Pas, l'expression entre-deux-guerres ne marche pas tellement en Italie, où vous allez plutôt dire le ventennio fasciste, la vingtaine d'années du fascisme, oui. Ces chrononymes parlent toujours à partir du présent, du moment où ils sont fabriqués. Ils parlent à partir du pays, de la géographie, de la question spatiale. Oui, c'est très important aussi. En tout cas, en France, il est clair que ces années 1920 sont les années folles et elles sont chantées par France Gall en 1969. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les années folles, folles, le vison en étole, le chinchilla. Rappelle-t'en la Jeanne, qu'elle fut une dame en ce temps-là. De Canamon, Parnasse, on connaissait sa grâce dans sa Bugatti. À la Les années folles, chantées par France Gall en 1969. C'est important ce genre de document historique parce que ça montre bien que ces chrononymes entrent dans la culture populaire. France Gall chante les années folles dans les années 60 comme une évidence pour évoquer les années 1920. Dominique Khalifa, comment se mettent en place ces noms d'époque, ces chrononymes? C'est quelque chose qui est, alors on le sait pour certains cas, créé par quelqu'un. On parlait de Fourastier pour les Trente Glorieuses, mais parfois ça surgit comme ça. Oui, je pense que la plupart des noms, enfin les noms pour lesquels on peut retrouver ou revendiquer un auteur sont finalement les plus rares. La plupart de ces expressions viennent d'une sorte de mélange de l'air du temps, d'un propos. C'est souvent difficile d'arriver à déterminer un auteur. La chose qui est la plus intéressante et dans les élucidations que ce livre propose de 14 chrononymes, ce qui est intéressant, c'est de voir le contexte dans lequel ça peut prendre. D'ailleurs, il y en a qui prennent pas. Il y a des chrononymes qui n'ont jamais réussi à s'imposer. C'est comment, dans un moment donné, dans un contexte, les choses font que le terme va avoir une évidence. Laurent Douzou disait ça tout à l'heure. Il faut que ça soit reconnu. Il faut que les gens, si le chrononyme est trop savant ou s'il est trop pointu ou s'il n'est trop partiel, ça va pas marcher. Il faut qu'il soit perçu effectivement comme quelque chose qui est une charge imaginaire, une force imaginaire suffisante pour que on s'y reconnaisse, et puis qu'il y ait ensuite des acteurs de diffusion. L'école est sans doute un des principaux vecteurs d'enracinement des chrononymes, mais aussi la littérature, la chanson, etc. La belle époque, c'était la chanson qu'il avait, ou le cinéma. Le cinéma est un très gros aussi acteur de... Et puis il faut que ça circule. Il faut que ça circule. On avait hier soir un débat autour de ce bouquin, et je crois que c'est Christophe Salle qui disait que finalement les chrononymes étaient très nationaux, qu'ils ne parvenaient pas à circuler. Alors c'est vrai et faux. La plupart des chrononymes ont des, par exemple, 30 glorieuses. Le 30 glorieuses que nous utilisons en France maintenant pour parler des années 45-75. Ça marche pas à l'étranger. Hein. Pourtant, ça aurait pu marcher dans la plupart des pays occidentaux qui connaissent le même type. Donc 30 glorieux. Mais Belle Époque ou Risorgimento ou Entre deux guerres, par exemple, Entre deux guerres, ça marche tellement bien Entre deux guerres que ça marche y compris dans des pays. Ça a été une des grandes surprises quand j'ai fait l'article Entre deux guerres. Ça marche y compris dans des pays comme l'Argentine, par exemple, ou le Mexique, qui n'ont pas participé aux deux guerres mondiales et qui l'utilisent pour parler de leur propre histoire intérieure. Donc l'origine propre, elle est souvent difficile, elle est rarement incarnée, mais le processus qui la contextualise et qui permet effectivement de la faire surgir et de la faire se diffuser et de la rendre évidente et collective, ça, je crois que c'est même le cœur du bouquin. Dominique Khalifa, vous évoquez l'entre-deux-guerres, et effectivement cet entre-deux-guerres est difficile à définir parce que c'est pas toujours les mêmes guerres, et c'est vrai que les chrononymes changent de sens avec le temps qui passe. L'entre-deux-guerres pouvait être guerre de 1870 et celle de 1914. La première acception que j'ai trouvée, c'est Léon Daudet, en 1915, qui sous-titre un bouquin de ses souvenirs, L'entre-deux-guerres, pour parler de la période 70-14. Il y en a un autre qui est pas mal aussi, Doriot. À l'époque où il était militant communiste, ça devait être en 24 ou en 25, écrit un petit bouquin qui s'appelle L'entre-deux-guerres, où lui, ce qu'il voit, c'est ce qui se passe entre la Première Guerre mondiale qui est finie et puis la guerre nouvelle, la guerre révolutionnaire qui va venir et qui va transformer le monde. Dites-nous, Laurent Douzou, ces chrononymes, nous évoquons le moment où ils se mettent en place. On pourrait également essayer de voir leur évolution, leur mort. Certains, j'imagine, s'imposent un moment, disparaissent, changent. Comment ils se construisent? Vous l'avez évoqué pour ces années noires qui changent de sens. Un chrononyme, en fait, quand il ne correspond plus à l'ère du temps, peut être modifié. On en change. Parce qu'un chrononyme, comme l'a dit Dominique, ça ne se décrète pas. Sauf 30 glorieuses. D'une certaine manière, tous les enseignants qui nous écoutent doivent, quand ils corrigent une copie sur la deuxième moitié du XXe siècle, reconnaître qu'ils verront toujours les 30 glorieuses, entre parenthèses, J. Fourastier. Oui, bon, c'est vrai. Ça, c'est toujours comme ça. Et au fond, ça veut dire, ça y est, je vous ai dit ce qu'il y avait à dire sur cette période, j'ai employé l'expression miracle. Mais ça, c'est très rare. En réalité, les chrononymes bougent et même perdent leur actualité. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est qu'on se disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on dénommera notre époque ? Ça, c'est capital parce que les gens qui vivaient les années noires n'ont pas utilisé le mot d'année noire. Et pourtant, ils étaient au cœur de cette noirceur. Et même, il y a deux versants. C'est comme le côté de Swann et le côté de Guermantes. C'est-à-dire que vous pouvez accéder aux années noires par le versant Vichy, il est assez raide et pas très agréable, ou par le versant résistant. Il est dangereux, mais lumineux. Et du coup, les résistants, quand ils baptisent leur programme du 15 mars 1944, le fameux programme du CNR, ils emploient un chrononyme à leur manière, qui est les jours heureux. On est aux antipodes des années noires. Et pourtant, on parle bien de la même période. Donc, le chrononyme, c'est quelque chose qui est extraordinairement plastique, curieusement. Et ce chrononyme extrêmement plastique évolue selon les moments dont on a besoin et selon un regard très particulier. Nous allons rejeter un œil sur ces 30 glorieuses parce que nous l'évoquons en disant Forestier, mais Laurent Douzou, c'est vrai que en disant 30 glorieuses, c'est ce que vous disiez, on dit un univers, on dit un monde. En disant 30 glorieuses, on dit par exemple tout simplement Formica. Ben écoutez, justement, une publicité de 1958 qui vante le Formica. Mon fils a des dons véritables pour faire une palette de sa table sous l'œil attendri de mon mari qui dit je vais chercher mes outils. Voilà outils. Voilà outils. Armé d'une scie à peau de colle, il découpe, pose et pignole un beau panneau de revêtement en deux temps et trois mouvements. Mon Dieu, quel bonheur! Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole! Mon Dieu, quel bonheur! Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur! C'est formidable! C'est formidable! La salle de bain à la cuisine, sans cesse on le voit qui usine, coupant par-ci, collant par-là, posant partout du formica. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir des panneaux formidables! Mon Dieu, quel bonheur d'avoir des panneaux formica! C'est formica! C'est formidable! Une publicité de 1958 qui vante le Formica sur l'air de « Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur » interprété entre autres par la sublime Patachou. C'est ça aussi les chrononymes. Donner un nom à une époque, c'est dire un univers entier et pour l'historien, c'est simplifier les choses. Dire simplement les 30 glorieuses ou les années noires, ça nous évite de dire beaucoup de choses. Hein, Laurent Douzou, c'est à ça qu'ils servent. Alors, ils servent à ça, évidemment, c'est-à-dire commodément avoir l'air de comprendre une période, mais en même temps, je répète qu'ils servent aussi à charrier quantité de représentations extraordinairement diverses. Donc, le chrononyme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un terme simple. Ça désigne en réalité, quand les gens l'utilisent, ils ne parlent pas toujours de la même chose. Et donc, c'est ça qui rend le chrononyme très utile, parce qu'au fond, chacun l'investit de ce que lui pense avoir compris ou ressenti de la période. Dominique Khalifa. Oui, exactement. Ils ne disent pas toujours la même chose pour les individus, mais aussi selon les périodes. Hein, parce que les significations dont un terme est investi va changer beaucoup. Il y a quelques cas. Par exemple, l'article Gilded Age, je reviens à ça, que Venita Data écrit dans le bouquin, montre que lorsque le mot apparaît dans les années 70 du 19e siècle, c'est pas tellement utilisé, mais le mot est repris dans les années 20 par les historiens progressistes américains pour dire « Ah, c'était une période terrible !» Donc, quelle période, c'est Gilded Age ? Les années 70-90 du 19e, après la guerre civile. Donc, on le prend ça pour dire « Ah, mais c'était une période où les trusts, les barons voleurs, l'argent facile, la corruption politique, etc. » Et curieusement, le terme revient très très fortement depuis 2008, depuis la pour désigner, encore une fois, une nouvelle forme, une Amérique facile, une Amérique de la corruption. Donc, avec des récurrences, mais aussi des changements très forts. Il y a des luttes de pouvoir d'une certaine manière dans les chrononymes. Pour Jeanne Moisan, quand elle parle de la fin de la mort de la période en Espagne, qui la transition qui marque la fin de la mort de Franco, montre que transition, ça s'est pas imposé d'entrée de jeu. Il y avait certains voulaient parler de réforme, d'autres de rupture, certains moins nombreux de révolution. Donc il y a des intentions, il y a des idéologies, il y a des jeux de pouvoir et le chrononyme finalement est le produit de ça Et il évolue aussi dans le cours du temps. C'est pour ça que c'est un régal hein, de lire Les noms d'époque de restauration à Annette Plomb. Hein, c'est un livre que vous dirigez, Dominique Khalifa, chez Gallimard, avec toujours cette question, mais quel nom sera donné à notre époque? Parce que, vous le savez, notre époque résonne telle une porte close. Et oui, c'était un titre du groupe Tarmac en 2003, Notre époque. Résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Chose que Kiko demande, le premier être que l'on regarde, les premiers moments que l'on garde. Mais quel est ce vent qui me glace le dos, qui me regarde? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée on se repose? Notre époque, chantée par Tarmac, dans le cours de l'histoire, nous nous interrogeons aujourd'hui comment ont été formés ces noms d'époque. La belle époque, les années folles, les années noires, les Trente Glorieuses et tant d'autres. Et nous allons porter maintenant un regard sur le roman d'anticipation. Et oui, comment des auteurs, nous sommes dans la littérature, ont nommé leur passé, le passé de ce qu'ils racontent, qui est en fait notre futur. Alors, dites-nous, Pierre-Antoine Marty, vous êtes donc doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales. Et quelle est votre démarche? Comment vous travaillez? Vous prenez les romans d'anticipation et vous regardez les noms donnés aux époques? Oui, alors ça se fait dans le cadre d'un article dans la revue Tracé consacré aux époques. Effectivement, je me suis dit que c'était intéressant d'essayer d'écrire un article sur cette question, parce que l'objet de mon travail, moi, en tant que doctorant en histoire, c'est de lire la science-fiction avec un regard, avec des méthodes d'historien. C'est-à-dire, non pas raconter l'histoire de la science-fiction, qui est déjà quelque chose de, en soi très intéressant, mais de voir comment est-ce que la science-fiction joue avec l'histoire, joue avec les codes de l'histoire. Parce que le récit d'anticipation, tout son principe, c'est ça, c'est de raconter la suite de l'humanité, comment les choses vont évoluer. Et comme je vous disais en ouverture d'émission, ce qui ressort, c'est que les auteurs d'anticipation jouent beaucoup avec les codes de la discipline de l'histoire quand ils vont commencer à raconter ce qui va se passer dans le futur. Ah oui, ça c'est très net et c'est vrai qu'en lisant cet article, le vôtre, hein, Pierre-Antoine Marty, dans la revue Tracé, on a un autre regard sur ce que l'on connaît déjà. Tenez, nous allons prendre un exemple avec 1984. Alors, bien sûr, Orwell, mais là, nous allons l'entendre par le film de 1953, qui évoque ce monde merveilleux, ce monde du futur, celui d'Océania. Qui commande le passé, commande l'avenir. Qui commande le présent, commande le passé. Ceci est notre terre. Une terre de paix et d'abondance. Une terre d'harmonie et d'espoir. Ceci, c'est notre terre. L'Océanie. Alors, avec le roman 1984, ou le film, Pierre-Antoine Marty, nous sommes dans le futur, qui relie le passé. Et là, à l'extrême, parce qu'on modifie même le passé. Oui, de toute façon, 1984, c'est une date symbolique. Vous savez que Orwell a inversé 1948 au moment où il écrivait son roman, et puis pour créer le titre 1984. Et effectivement, dans le roman, ce qui se passe, c'est que on trafique complètement l'histoire pour au profit de la vérité de Big Brother. Donc à chaque fois, l'histoire est remaniée pour répondre aux intérêts actuels de l'État dictatorial. Et Pierre-Antoine Marty, vous avez noté une démarche, allez, d'historien, ou en tout cas singer les historiens dans ces auteurs, dans leur manière de raconter le passé. Alors, il y a toujours un moment dans les romans d'anticipation où l'auteur est obligé de faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on en est arrivé là. C'est-à-dire, comment est-ce que entre 1948 et 1984, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin d'expliquer ça au lecteur. Et souvent, ça se fait par l'intermédiaire soit d'un personnage, un sachant, quelqu'un qui a le savoir sur le passé, un passé que les gens ne connaissent plus parce qu'on est dans un état dictatorial, etc. Soit par la lecture d'un livre d'histoire. Par exemple, c'est le cas dans un des romans que j'évoque dans l'article, qui s'appelle Éon. C'est un personnage qui va trouver un livre d'histoire qui vient du futur et qui va lui expliquer les événements qui sont à venir. Et donc, dans ce livre d'histoire, écrit donc complètement fictionnel, on va apprendre ce que l'avenir nous réserve. C'est Greg Beer, l'auteur de ce roman Éon, et c'est vrai que c'est très très drôle parce que il y a ce livre d'histoire du futur, mais disons-le, ces romans d'anticipation, quand on les étudie, on se rend compte qu'ils sont très anciens et nous arrivons très vite sur des périodes, alors là aussi, on reprend les mots, mais qui serait la Belle Époque. Enfin, chez Jules Verne, il y a ça, Dominique Califa. Moi, ce qui m'intéresse, je ne sais pas si vous le traitez, excusez-moi, j'ai pas lu votre article, mais moi, je suis très très intéressé par le steampunk, ce qu'on appelle le rétrofuturisme, c'est-à-dire les futurs imaginés à partir de passé. Là, c'est comment la fin du 19e siècle, comme on imagine, enfin c'était dans les années 70-80, ça continue encore, comment on a imaginé le futur de la fin d'une fin du 19e siècle, mais qui nous dit énormément de choses, à la fois sur une sorte de télescopage des temps. C'est à la fois la fin du 19e, c'est à la fois notre période et c'est à la fois le futur. Et cette espèce de triple télescopage, je trouve ça vraiment passionnant. Je vous rassure, hein, Dominique Califa, c'est effectivement dans l'article de Pierre-Antoine Marty de la revue Tracé. Pierre-Antoine. Oui, alors c'est fascinant, l'Uchronie, le principe de l'Uchronie, c'est se dire qu'est-ce qui se serait passé si un événement avait bousculé le cours de l'histoire dans un autre sens. De manière générale, ce qu'on voit, c'est que les auteurs d'anticipation, ils fonctionnent très bien avec la dualité événement-époque. C'est-à-dire, il y a toujours un événement qu'on appelle un turning point et qui est suivi d'une époque qui est la conséquence même de cet événement. Par exemple, souvent, là, dans l'article, je cite des romans avec des catastrophes nucléaires parce que c'est le grand horizon. Et donc, il y a une catastrophe nucléaire, par exemple, le grand déluge de flammes dans un roman qui s'appelle Un cantique pour Leibovitz, qui est suivi de la simplification, c'est-à-dire la vengeance contre tous les scientifiques qui ont inventé tous ces appareils nucléaires. On a simplifié tout le savoir humain, en gros on a supprimé le savoir. C'est vrai que dans le roman d'anticipation, mais également dans le cinéma d'anticipation, il y a la période, l'événement et la période qui suit. Bien, c'est par exemple le cas dans Terminator. Mais attention, pas n'importe lequel. Le Terminator Genesis, c'était en 2015. Avant leur mort, mes parents m'ont raconté le monde tel qu'il était. Ils se souvenaient d'un monde de verdure, vaste et beau. Mais c'est un monde que je n'ai pas connu. Quand je suis né, ce monde-là avait disparu. Skynet. Un logiciel conçu pour automatiser la riposte nucléaire. Il était censé nous protéger, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Le 29 août 1997, Skynet s'est éveillé et a décrété que toute l'humanité était une menace pour son existence. 3 milliards de personnes sont mortes dans l'enfer nucléaire. Les survivants ont appelé ça le jugement dernier. Le jugement dernier. Dans Terminator, nous évoquions avec Dominique Califa, Laurent Douzou et Carlotta Sorba la naissance de ces noms d'époque, de ces chrononymes, en disant qu'ils sont toujours liés au présent. Mais en fait, là aussi, dans les préoccupations, nous le sentons dans Terminator en 2015. La préoccupation, c'est la destruction, on sent, de la nature. Mmh. Avant, tout était vert. Pierre-Antoine Marty, quel regard vous portez sur ce type de document? Ça, c'est fascinant. Terminator, ça nous raconte une époque qui est déjà écrite. par plusieurs théoriciens, entre guillemets, de l'histoire, qui est la singularité. Alors la singularité, c'est le moment qu'on prévoit où les machines intelligentes deviendront plus intelligentes que l'homme et donc prendront le contrôle de l'histoire. Et donc il y a des auteurs de science-fiction qui ont d'abord théorisé ça, la singularité, puis ça s'est répandu dans le champ scientifique, etc. Et donc il y a des auteurs de science-fiction, des scientifiques qui pensent que une époque nous attend. On se posait la question de quelle sera l'époque du futur. Cette époque, c'est la singularité. C'est intéressant, ça s'est répandu dans le langage courant, mais ça vient de la science-fiction. C'est un concept qui a été inventé par un auteur de science-fiction et qui a été repris d'ailleurs de manière métaphorisée par ces films type Terminator. Dominique Khalifa. Est-ce qu'il y a dans les livres que vous avez lus, Pierre-Antoine, dans les livres d'anticipation, quelque chose qui nous parlerait de 2020, d'aujourd'hui, de notre époque, ou qui nommerait notre époque, à dire précisément? Il y a plein de romans, notamment le cyberpunk qui se passe dans les années 2020. Alors de là à trouver un nom d'époque spécifique, il y a un grand horizon positif dans les romans de science-fiction qui est la conquête spatiale. Mmh. Et donc là, c'est vrai que ça devient, grâce à Elon Musk et tous ces milliardaires investis dans la conquête spatiale, ça devient vraiment d'actualité. Et donc il y a toute une série de romans, notamment 2001 ou beaucoup d'autres, qui caractérisent notre époque comme l'âge spatial. Mmh. Malgré tout, Pierre-Antoine Marty, bien souvent dans ses romans d'anticipation, c'est la catastrophe qui nous guette. Oui, alors c'est souvent plutôt négatif, mais bon, c'est jamais la fin totale de l'humanité, donc c'est toujours... Cela dit, c'est pas terrible en ce moment. Hein. Vous avez bien raison, Dominique. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette lecture, pour l'historien, qui est même jouissive, de voir l'auteur d'anticipation prendre la démarche de l'historien, s'amuser. C'est vrai que... Ils jouent parfois, ces auteurs, avec des mots qui ont disparu. Le mot football, par exemple, ils utilisent, mais il faut préciser ce que c'est, parce que dans le futur, est-ce que l'on va savoir ce qu'est le football ? Il y aura plus de football. Oui, c'est tout un jeu. Ils aiment beaucoup s'amuser comme ça avec les paradoxes temporels. Mais globalement, c'est quand même très, très copié-collé de ce qu'on peut retrouver dans les livres d'histoire. Parce que, comme vous disiez au début de l'émission, les noms d'époque nous sont donnés. Donc on a l'impression que c'est naturel et que du jour au lendemain, on va passer à une nouvelle époque, on saura comment la caractériser. Et c'est exactement ce qui se passe souvent dans les romans d'anticipation. Du jour au lendemain, on trouve le nom de l'époque. Et parfois, on donne le nom de l'époque avant même qu'elle soit terminée. Par exemple, il y a un roman qui s'appelle Millennium et qui se passe dans une époque, en plein milieu de l'époque, qui s'appelle Les Derniers Âges. Donc c'est-à-dire qu'on sait comment, quand on est dans les derniers âges, on sait comment tout ça va se terminer. Et c'est la dernière époque de l'humanité avant son extinction. D'ailleurs, ça fait pas tellement rêver, mais c'est sûr que ce nom d'âge, ce nom donné à des âges, nous amuse énormément. À la Bibliothèque nationale à Paris, il y a Tolkien qui est évoqué. Mmh. Et c'est vrai qu'avec Le Seigneur des Anneaux, tout de suite, nous sommes dans une découpe du temps qui nous fait rêver, mais aussi qui nous fait peur. L'âge des hommes. Est terminé. Le temps des orques est arrivé. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'âge des hommes est terminé, l'âge des orques est arrivé, c'est le Seigneur des Anneaux. Dites-nous, quel regard portez-vous, Carlotta Sorba, vous êtes professeur à l'université de Padoue, sur ces préoccupations d'historien français? Est-ce que cette découpe du temps est une préoccupation que l'on retrouve aussi chez vous en Italie, ou est-ce que c'est vraiment un questionnement d'historien et d'historienne de la France? Non, je crois que c'est un questionnement actuel pour tous les historiens, en Italie aussi. Et je crois que ce qu'on a fait, c'est un travail collectif vraiment très très intéressant de repenser, réfléchir, déconstruire l'origine de ces mots et l'emploi, le remploi dans le temps, comment le mot de temps, les noms d'époque travaillent dans le temps. Et je crois que c'est vraiment un travail important pour l'historiographie en général, mais aussi pour le présent et pour l'utilisation aujourd'hui de ces termes, de ces noms. Pour l'Italie, par exemple, pour retourner au Risorgimento, là, il y a tout un débat en Italie, comment utiliser ce mot, qui est un mot très chargé de nationalisme, de finalisme, non? Et donc, comment l'utiliser aujourd'hui, comment l'enseigner, par exemple. Et donc, ce parcours qu'on a fait, je crois que c'est vraiment très utile en général, et pour le présent. Vous avez raison de le souligner aussi, Carlotta Sorba, comment l'enseigner? Parce que bien souvent, ces noms-là, ces chrononymes, sont utilisés pour faire un découpage du temps pratique dans les manuels scolaires. Si l'on pense à ces années noires, c'est vrai que on est dans l'actualité là, hein. Mais Laurent Douzou, c'est difficile à utiliser parce qu'il y a plusieurs aspects. Votre dernier ouvrage s'appelle « La lutte clandestine en France ». Vous l'avez écrit avec Sébastien Albertelli et Julien Blanc. Eh bien, sur ces années noires, effectivement, il faut savoir ce qu'elles couvrent pour pouvoir les enseigner. Oui, bien entendu. Donc, en réalité, les années noires, c'est comme un kaléidoscope. C'est la quantité d'éléments à mettre en place. Par exemple, Pierre Laborie avait proposé, lui, un autre chrononyme qui était les années troubles. Mais ça n'a pas pris. Et voilà, donc, c'est les ça. Années noires sont plus puissantes que les années troubles. Et vous voyez, c'est intéressant parce que je pense que scientifiquement, il avait raison. Mais pédagogiquement, c'est plus difficile à faire passer. Voilà, entre l'analyse et puis la réalité de comment s'imposent ces mots-là, il y a un champ énorme. Vous vouliez dire quelque chose, Pierre-Antoine Marty? Oui, pour revenir sur les conversations qu'on avait sur comment est-ce qu'on va qualifier notre époque demain. Alors, déjà aujourd'hui, on essaye de réfléchir à ça. On parle beaucoup de post-modernité, mais en fait, on n'a toujours pas trouvé un nom à ce que c'est que cette modernité qui vient après la modernité. On essaye aussi de parler d'anthropocène. C'est-à-dire, mais ça, c'est une autre vision des choses, c'est-à-dire c'est un vocabulaire qu'on emprunte à la géologie. Et donc, on change le sujet des coupes en époque, qui n'est plus l'humanité, mais la Terre elle-même, eh qui oui. répond quand même aux considérations de développement durable. Oui, et c'est vrai, ce sont les préoccupations du moment. Merci à vous tous, Dominique Khalifa, Laurent Douzou, Carlotta Sorba et Pierre-Antoine Marty. Les noms d'époque de Restauration Année de Plomb, c'est chez Gallimard. Et puis dans la revue Tracé, on trouve votre article « Époque du futur, usage de la périodisation historienne dans la littérature d'anticipation ». Mais pour nous, le moment présent porte un nom, cette époque-là, c'est celle du Journal de l'Histoire d'Anaïs Kien. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier Bonduit, bonjour à toutes et tous. Alors, dans le Journal de l'Histoire, une pièce à succès qui combat la fin de l'histoire. L'épidémie de sida qui a fait les ravages que l'on connaît dans les années 80 et 90 semblait avoir disparu de l'attention médiatique il y a encore quelques années avant la sortie en salle de 120 battements par minute de Robin Campillo. Les trithérapies avaient dompté le virus sans l'éradiquer, les porteurs vivaient désormais en bonne santé. Le virus ne semblait plus mortel, on aurait cru à la fin de cette histoire tragique. Cette fin de l'histoire, c'est aussi le ressort de la pièce de Tony Kushner, Angels in America, créée à San Francisco en 1991 et reprise par Arnaud Desplechin à la Comédie-Française en ce moment et jusqu'en mars. Écrit immédiatement après la chute du mur et de l'Union soviétique, le texte est pétri des inquiétudes de fin de millénaire et des théories de Francis Fukuyama sur la fin de la guerre froide. Annoncer la fin de l'histoire, ça ne laissait pas grand-chose à faire aux humains qui l'écoutaient. Angels in America de Tony Kushner, c'est l'histoire d'un succès qui rebondit. Salué lors de sa création à Broadway, adapté en série télévisée, en opéra, le texte dépasse son contexte d'écriture. Considéré dès sa publication comme une œuvre majeure, l'œuvre de Kushner touche à l'universel et convoque les grands thèmes du XXe siècle dans un précipité poétique et millénariste. La reprise d'Angels in America accompagne aussi la sensation d'un retour au temps de l'histoire, accéléré par le retour des guerres médiatisées et la pression d'une urgence à agir pour s'éviter la fin du monde. Look up. Look up. Prepare the way. Angels in America opère un retour sur l'histoire américaine avec quelques grandes figures telles que Roy Cohn, homosexuel honteux et macartiste convaincu, hanté sur scène par le fantôme d'Ethel Rosenberg qu'il a largement contribué à installer sur la chaise électrique dans la réalité. Une multitude de références religieuses, cinématographiques et historiques créent l'alliage de la pièce. On passe du magicien d'Oz à l'espionnage soviétique, en passant par un Kaddish approximatif ou encore la cage aux folles et l'image névrotique d'une société américaine des années 80 sous calmant à haute dose. une construction qui semble bousculer les personnages vers leur propre fin et celle du monde dans la plus extrême solitude, puisque l'idéologie concurrente s'est effondrée, que la politique semble confinée dans l'impasse du cynisme, avec en tâche de fond le retrait des affaires du monde d'un dieu n'ayant laissé aux commandes que des délégués peu inspirés, parangon d'un créationnisme porté par des anges maléfiques. C'est la maladie qui remet en action Pryor, représentant du récit pionnier américain du Mayflower, contre l'immobilisme des anges en mal d'un maître qu'on n'attend plus. You want the truth? This is the truth. You can love someone and fail them. You want to be nice? I'm going to hell for doing this. Or you want to be effective? How can you steer your life by what you want? Hold to what you believe. I am on my way. When I am manifest, our work begins. Angels in America rassemble une galerie de personnages qui s'affrontent à la maladie dans une Amérique du Nord présidée par un Ronald Reagan qui a farouchement lutté pour ne pas voir l'urgence de prendre acte de cette épidémie qui allait coûter trop de vies. Une dimension universelle qui n'a pas échappé à Arnaud Desplechin qui met en scène une histoire d'actualité. Merci beaucoup Anaïs. Et pour poursuivre, il y a tous les liens à lire, à voir sur la page du journal de l'Histoire sur franceculture.fr. Dominique Khalifa, les noms d'époque de restauration à Année Noire, l'ouvrage que vous dirigez chez Gallimard, commence par une citation, et c'est vrai qu'on l'a souvent entendu, étudier des problèmes plutôt que des périodes, un peu une sentence même. C'était Lord Acton en 1895. C'est vrai qu'aussi ce découpage historique dissimule la continuité en histoire. Il faut rappeler sans cesse que malgré tout, très bien ces noms d'époque, mais l'histoire, c'est une continuité. C'est un fil, effectivement. Mais justement, je pense qu'on arrive à peu près à s'en sortir en montrant effectivement la très grande plasticité de ces noms qui n'arrêtent pas de se transformer, de changer de signification, de se charger d'imaginaires différents et d'être donc aussi des noms historiques. Voilà, c'est pour ça qu'il faut connaître l'origine des noms d'époque, parce que ça permet de comprendre comment ils se mettent en place et que l'histoire est une continuité. C'était notre réflexion grâce à vous Dominique Khalifa, Laurent Douzou et puis à vous Carlotta Sorba et Pierre-Antoine Marty dans le cours de l'histoire aujourd'hui. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André, Aurélie Lachkar. Des émissions à réécouter sur le site internet Le cours de l'histoire, France Culture. culture.fr et puis en balado-diffusion, en podcast. Et n'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire pour discuter de toutes ces émissions. La semaine prochaine, ils étaient 20 et 100. Ils étaient des milliers. Nous revenons sur la libération des hommes et des femmes qui étaient détenus dans les camps de concentration et d'extermination.